Ouais. Gio, Seigneur Lino, même univers. J'ai eu du mal à mettre des mots sur mes pensées, le passé me cogne. Le besoin de s'attacher car à mes yeux ce n'est qu'un tas de tracas. J'ai étouffé l'amour véritable, entassé de conne. Il faut que j'assimile que le temps perdu ne se rattrapera pas. Sur le sujet je reconnais que j'ai eu l'air hâtif, c'est vrai. Comme beaucoup je me sers du rap en guise d'échappatoire. Là je vous en parle quand j'ai les cris, j'ai les ratiches serrées. Dès que je vois le bonheur je fuis, ouais je m'échappe à tort. Je dégage à mort mes peines et ça me reproche ma mélancolie. Je suis pas dans tous vos chiffres, je me concentre sur le littéraire. Malgré le nombre d'erreurs commises sur un élan de folie, j'ai trop bu tes paroles, maintenant je vomis tes rêves. Même univers, certes, moi c'est la paix que je veux palper. Je vois que leur violence de bas étage progresse à grande échelle. Ni culture, ni champ lexical, et récolte un tas de blé. C'est plus des hommes, c'est des pions, je me demande à quand l'échec. On est des poussières dans l'univers, on s'émerveille devant une pluie d'étoiles. On te fait voyager sans Gulliver. Ouvre tes oreilles, un grand et puis tes toiles. On a grandi dans le même univers, on s'émerveille sur une prod de misère. On crache le feu direct du divers. On le faisait déjà à l'époque de Nizet. Tous les rappeurs se plaignent, c'est ce que disent les gens. On rime pas pour l'argent, quand tous les autres se taisent, on ouvre la gueule en grand. Moins dangereux que la merde sur vos écrans. J'avoue, ce couplet c'est fait en détente. L'écriture devient automatique. La plume est la cause de ce traumatisme. Ma tête va mal, j'abuse plus de la tease. L'instrument, si je lui parle, c'est gratuit. Je fuis le soleil dans le fond, je préfère la pluie. Hey, plus créatif la nuit, j'erre dans les rues de Gotham. Je gratte à l'ancienne ou bien sur le portable. Parfait pour les costards, on porte des sables de geek. Un nœud à l'estomac, vénère comme un quart de flic. J'écrase ce spliff, jusqu'au prochain qui cramera mes neurones. Je me casse le cul pour mes 600 euros. On parle tous des mêmes choses, car c'est le même univers. Encore un rude hiver, prions pour qu'on le passe au chaud. On est des poussières dans l'univers, on s'émerveille devant une pluie d'étoiles. On te fait voyager sans Gulliver. Ouvre tes oreilles, un grand et puis tes toiles. On a grandi dans le même univers, on s'émerveille sur une prod de misère. On crache le feu direct du divers, on le faisait déjà à l'époque de Nizet.